que deviendrait-elle forte comme la noce, celle qui nous emportera jusqu'au pays des chimères et des soleils levants. Je te verserai l'hydromel à chacun de nos réveils dans le vent d'Estem et le soir en les couchant flamboie dans la pompe et la soie. Si tu m'aimes, je t'accompagnerai sur chaque montagne. Et aussi au village des loups. Si tu m'aimais, je t'accompagnerai sur chaque montagne jusqu'au pays des nuages et des rois fantômes. Et aussi au village.